Effondrement des systèmes. La géologie et l'archéologie, si l'on s'en tient aux découvertes sur le terrain des anthropologues et archéologues, ces témoignages sont d'un âge récent, mais d'après les systèmes communément professés par les géologues et paléontologues, ils semblent beaucoup plus anciens. Cette divergence est devenue un conflit, quand on a trouvé à Melbourne et à Vero des couches contenant à la fois des fossiles et des objets façonnés, état de fait qui se rencontre dans bien d'autres endroits. Rome a rassemblé un matériel considérable destiné à prouver que la faune du Pléistocène a survécu jusqu'à une époque relativement proche de la nôtre. Cette idée fut largement citée, reprise par les archéologues. Crobet ne voit pas comment éviter de conclure que certaines associations d'objets fabriqués par l'homme avec des espèces animales éteintes sont probablement âgées de moins de 3000 ans et non de 25 000. Mais, comme Jones, il estime que si la faune de l'âge glaciaire a survécu si longtemps, c'est uniquement grâce à la lenteur du processus d'extinction. Or, cette idée d'extinction graduelle est combattue par d'autres spécialistes de la question qui pensent que des changements géologiques ou climatiques soudains et décisifs se sont produits et ont simultanément balayé un nombre considérable d'espèces animales. Si l'on tient compte des renseignements recueillis sur le continent européen, où la documentation provenant des sites post-glaciaires anciens est beaucoup plus complète, nous constatons une disparition brusque de la faune. Et d'après les normes de l'archéologie, les objets et les autres vestiges d'origine humaine trouvés avec des fossiles laissent supposer une date beaucoup plus proche en Europe aussi. La divergence d'opinion séparant sur ce point les géologues et les archéologues anglais fait dire à sang fort, dans certains cas leur désaccord, et si total que soit les uns, soit les autres, sont nécessairement dans l'erreur. Les échelles de temps en archéologie ou en anthropologie restent en très nette opposition avec toutes les échelles de temps en géologie et en paléontologie. En effet, l'archéologie se base sur des éléments culturels, et l'anthropologie sur l'homme, et sa biologie, tandis la géologie se base sur des éléments physiques de la Terre, et la paléontologie sur les fossiles, où il vaut mieux aussi avoir quelques notions d'anatomie et de biologie. Elles sont donc amenées à se croiser un jour ou l'autre, et c'est au niveau de la mesure du temps qu'apparaît la plus grande divergence. Ainsi, en quête d'arguments supplémentaires, l'archéologue se tourne vers certains animaux disparus représentés sur les bas-reliefs babyloniens ou égyptiens, dont on a effectivement retrouvé les os. De son côté, l'anthropologue pense que même les traditions orales relatives à des espèces éteintes permettent d'établir des conclusions de grande portée. L'archéologie a prouvé que l'Indien d'Amérique chassait et tuait des éléphants, elle a aussi montré que ces animaux ont disparu d'Amérique depuis quelques milliers d'années. Ce qui veut dire que les traditions indiennes évocatrices des éléphants ont conservé leur valeur historique pendant une très longue période. Il est impossible de savoir depuis combien de temps. Probablement depuis au moins 3.0 ans. Si les traditions indiennes ont gardé leur caractère historique après tant d'années, il en a certainement été de même pour les traditions d'autres races et d'autres peuples haines. Les animaux trouvés dans la fosse d'asphalte californienne de La Brea ont tout d'abord été datés du début du Pléistocène, période glaciaire, leur attribuant ainsi un million d'années ou presque, mais le lien de parenté qu'il y a à ceux du lac Laontan a imposé une nouvelle estimation. Ils ont donc été assignés à la fin de l'âge glaciaire, tout comme la faune similaire des autres fosses d'asphalte de Californie, Carpinteria hemkitique, ce qui les ferait remonter à 20 ou 30 000 ans. Le plus étonnant sans doute est que si cette collection d'animaux vertébrés du début du Pléistocène date en fait de la fin du Pléistocène, ces vertébrés du début du Quaternaire sont finalement pratiquement inconnus dans un ouest des États-Unis. Ce revirement d'opinion radical ne s'est pas limité à la côte ouest de l'Amérique du Nord, on admet aujourd'hui que la faune, qui deux ou trois décennies avant était censée avoir péri dès le début de la période glaciaire, a survécu et s'est éteinte à la toute fin de cette période. Il semble étrange qu'une faune ayant survécu à la grande glaciation ait disparu à la fin de celle-ci, mais elle est bien morte. Pourtant, ramenée d'un million à 20, 30 ou même 10.0 années, la date à laquelle ont succombé la plupart des animaux du Pléistocène dans l'ouest des États-Unis reste insuffisante si Jones a correctement daté les sédiments du lac Laontan. D'après ses analyses, sur l'accumulation de sodium dans ce qui reste de ce lac, il est né il y a tout juste 3500 ans, et donc la faune trouvée dans ses dépôts ne saurait être plus ancienne. Ceci a entraîné de nouvelles hésitations. Hirschwitz, étudiant l'ancienne faune californienne, écrit qu'en fonction du lien établi entre la faune de La Brea et celle du Laontan, il est maintenant possible de concilier les témoignages des vertébrés avec l'opinion de Jones sur l'âge relativement récent du lac 469. Cela signifierait-il que les espèces éteintes des fosses ne remontent qu'à 3000 ou 4.0 ans, ce qui veut dire que ces ossements y ont été déposés au moment où se déroulait l'histoire de l'Égypte et de Babylone. Nous avons ainsi assisté à un revirement d'opinion des géologues américains de la fin du 19e et du début du 20e siècle, comme Winchell 470, Ufam 471 et Ulrich 472. Ce dernier estimait que l'âge glaciaire n'a pris fin que vers l'époque où les civilisations de l'Égypte, de la Babylonie et du Turkestan occidental ont atteint un degré de développement élevé, Contrairement aux idées très exagérées sur l'ancienneté de l'âge glacial, pas à pas, l'opinion scientifique se rapproche de ce point de vue, bien qu'elle maintienne encore qu'un grand intervalle, c'est par la période glaciaire du début de l'histoire écrite, en dépit de la survie de nombreux animaux de l'ère glaciaire jusqu'au deuxième millénaire à venir. J.C. Hypothèse périmée en 1829, Gérard Desset publia son étude des couches de fossiles dans la région parisienne, où les animaux marins alternent avec les animaux terrestres. Il avait constaté que les strates marines supérieures contenaient de nombreuses espèces de mollusques à coquilles, qui habitent encore les eaux salées, et que plus la strate était profonde, plus ces espèces se faisaient rares. À la suite de cette publication, Liel dressa un tableau des temps géologiques, composé de longues époques, ères primaires, secondaires, etc. subdivisés en périodes et aux cycles. Les fossiles, on le sait, permettent de se rendre compte des modifications subies dans le temps par la faune, aussi fonda-t-il sa chronologie sur ces changements, et tout particulièrement sur ceux des mollusques à coquilles. Estimant que l'époque de l'homme, quaternaire, représentait un vingtième de l'évolution du règne animal depuis le début du Miocène, l'avant-dernière période du tertiaire, il ébaucha un cycle d'évolution complet au début duquel apparaissaient de nouvelles espèces, qui remplaçaient pratiquement toutes les autres. En conséquence, se dit-il, comme on admet que l'humanité a 1 million d'années, elle a commencé au quaternaire, il a fallu 20 millions d'années, pour que s'accomplissent les changements observés depuis le début du Miocène. Et, toujours selon lui, 4 cycles de transformation, ont dû s'écouler depuis la fin du secondaire. Poursuivant son raisonnement, il compta 12 cycles, soit un total de 240 millions d'années depuis l'aube du primaire, époque où les premières formes de vie sont apparues sur la Terre. Ce chiffre a été considérablement augmenté par la suite, mais le reste de son évaluation est toujours en vigueur. Le système de Liel, amélioré par l'ajout de nouvelles subdivisions au temps géologique, aboutit à la règle suivante: si une couche contient entre 90 et 100% d'espèces modernes de coquillages, elle date de l'âge glaciaire, pléistocène dans l'ère quaternaire, si elle en contient entre 40 et 90%. Elle appartient à la subdivision précédente, le pliocène dans l'ère tertiaire, si elle en contient entre 20 et 40%, elle est d'une subdivision antérieure, le miocène, toujours au tertiaire, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on ne rencontre plus d'ancêtres directs d'espèces encore existantes. NDT, la vie est apparue sur Terre avant le primaire, c'est-à-dire au précambrien, il existait voici 3,5 milliards d'années des formes de vie très rudimentaires, ni animales, ni végétales, composées pour la plupart d'une seule cellule, invisible à l'œil nu, d'où les difficultés pour les trouver et les étudier, mais qu'on connaît pourtant bien. Les bactéries. Voir à ce sujet les deux premiers chapitres du Principe de Lucifer, tome 2, où Oliver Blum, biologiste de formation, montre à quel point ces premières formes de vie sont importantes dans l'évolution des êtres vivants, et à quel point elles sont déconsidérées des scientifiques. L'époque du précambrien fut qualifiée de 3 milliards d'années de non-événement. Dans son introduction, il dénonce aussi les tensions opposant les partisans de deux théories de l'évolution, sélection individuelle contre sélection de groupe soutenue par Darwin, aucune des deux n'est entièrement acceptable, mais les enjeux sont tels que l'adhésion à une théorie non reconnue par la communauté scientifique peut valoir l'excommunication. Et lui aussi aboutit à la nécessité d'un nouveau modèle évolutionniste pour expliquer les comportements animaux et humains. NDT, la vie est apparue sur Terre avant le primaire, c'est-à-dire au précambrien, il existait voici 3,5 milliards d'années des formes de vie très rudimentaires, ni animales, ni végétales, composées pour la plupart d'une seule cellule, invisible à l'œil nu, d'où les difficultés pour les trouver et les étudier, mais qu'on connaît pourtant bien. Les bactéries. Voir à ce sujet les deux premiers chapitres du Principe de Lucifer, tome 2, où Oliver Blum, biologiste de formation, montre à quel point ces premières formes de vie sont importantes dans l'évolution des êtres vivants, et à quel point elles sont déconsidérées des scientifiques. L'époque du précambrien fut qualifiée de 3 milliards d'années de non-événement. Dans son introduction, il dénonce aussi les tensions opposant les partisans de deux théories de l'évolution, sélection individuelle contre sélection de groupe soutenue par Darwin, aucune des deux n'est entièrement acceptable, mais les enjeux sont tels que l'adhésion à une théorie non reconnue par la communauté scientifique peut valoir l'excommunication. Et lui aussi aboutit à la nécessité d'un nouveau modèle évolutionniste pour expliquer les comportements animaux et humains. La chronologie de Liel est basée sur ces suppositions, aucun événement catastrophique n'est intervenu et la disparition des espèces est due à leur lente extinction, que Darwin explique par sa théorie de la sélection naturelle 475. Mais si l'on admet que de grandes catastrophes ayant dépassé le stade local se sont produites à la surface de la Terre et au fond des mers, que certaines formes de vie n'y ont pas échappé, que d'autres y ont survécu, et que les descendants d'autres espèces ont fortement muté, alors toute cette méthode rigide, de pourcentage et de multiplication des changements observés au cours d'une période récente, n'est pas plus valable que les décrets de certains théologiens, tel l'archevêque irlandais Huchet, qui déclara en 1654, « Le monde a été créé le 26 octobre 4004 avant Jésus-Christ, à 9h du matin. Cet ouvrage ne vise ni à augmenter ni à réduire l'âge estimé de la Terre et de l'univers. Pendant les 12 ans que j'ai mis à l'écrire, cet âge est passé de 2 à 5 milliards d'années. Je ne comprends pas pourquoi, dans l'esprit des croyants, un univers restreint et éphémère, prouverait mieux qu'un autre qu'il a été conçu par une intelligence souveraine et parfaite. Je ne vois pas davantage comment nous pourrions trouver une solution, ou contribuer à éclaircir les nombreux problèmes de la géologie, si l'on se contente de les repousser vers des temps très reculés. Quel que soit l'âge de l'univers et de la Terre, chaque période géologique a une durée différente de celle donnée par la théorie de la constance. Le concept d'un tertiaire de 60 millions d'années avec l'éplissement des montagnes, suivi d'une période glaciaire d'un million d'années avec de grands changements climatiques, puis d'une période récente et tranquille de 30 000 ans où les montagnes se sont calmées et où le climat s'est stabilisé, est fondé sur une erreur. L'édification des montagnes s'est poursuivie pendant la période glaciaire, coïncidant avec des variations catastrophiques de climat, et les deux phénomènes se sont prolongés jusque dans l'époque récente, voici seulement quelques millénaires. C'est la persistance du plus apte à la conservation des différences et variations individuelles, c'est-à-dire l'individu le mieux adapté à un milieu parvenant à transmettre ses différences biologiques, anatomiques, de comportement, d'alimentation etc., qui permet au groupe ou à l'espèce de rester dans la lutte pour la vie. Échelle admise des temps géologiques Cénozoïque. Ère quaternaire, époque de l'homme, récente, néolithique, bronze, fer, holocène 10 000 à 0, pléistocène ou glaciaire, paléolithique, 1640-000 à 10 000 années. Ère tertiaire, époque des mammifères, pliocène 5,2 à 1,64 millions d'années, miocène, oligocène, océne, paléocène 25,5 à 5,2 millions d'années 35,5. À 23,5 millions d'années 56,5 à 35,5 millions d'années 65 à 56,5 millions d'années Mésozoaque, époque des reptiles, ou ère secondaire, Crétacé. Jurassique, Trias 146 à 65 millions d'années 208 à 146 millions d'années 245 à 208 millions d'années Paléozoaque, époque des invertébrés. Poissons, amphibiens, ou ère primaire, Permien, Carbonifère, Dévonien, Silurien, Ordovicien, Cambrien 290 à 245 millions d'années 363 à 290 millions d'années 409 à 363 millions d'années 439 à 409 millions d'années 510 à 439 millions d'années 570 à 510 millions d'années Azoaque, pas de vie, puis vie primitive, Précambrien 4600 à 570 millions d'années les premières périodes, Précambrien et ère primaire. Si l'on examine les roches les plus anciennes, on voit qu'elles témoignent de gigantesques bouleversements en comparaison de ceux qui suivront. Près de la frontière canadienne, vers Kewatin au nord-ouest du lac supérieur, un ensemble de couches de lavées de roches sédimentaires atteint une impressionnante épaisseur de 6000 mètres. À Michipicoutembe, le tuf, une roche volcanique très poreuse et peu dense, est épais de plus de 3300 mètres. Toujours dans cette région du lac supérieur, un flot de lave, du Kewenavan, plus récent mais au demeurant très ancien, a été estimé à 100 000 km. Au nord du Michigan et du Wisconsin, le système du Kewenawan peut atteindre 15,0 m, dont plus de la moitié est constituée de coulées de lave. L'imagination s'enflamme quand on contemple les 5 millions de cris de gneiss granitique, qui tapissent le bouclier canadien, et quand on réalise qu'il est venu là, sous forme de magma liquide, qui s'est figé sous une couverture de roches plus anciennes, usée depuis par l'érosion. On a l'impression que l'écorce terrestre a été plusieurs fois brisée et enfouie dans des soulèvements de matière en fusion. Au Canada, en Australie, en Afrique du Sud, on a trouvé dans ces laves précambriennes des dépôts glaciaires contenant des blocs de pierre en partie arrondis et en partie anguleux, et dont certains sont striés et à facettes. Ce constat d'une prime glaciation fut d'abord considéré comme une découverte choquante, parce qu'elle représentait un sérieux obstacle au principe selon lequel la Terre était à l'origine une masse en fusion, mais plus tard les géologues intercalèrent quelques 500 millions d'années entre la formation de la Terre et les premiers phénomènes de glaciation, afin de laisser aux roches le temps de se refroidir. Puis, au Cambrien, l'océan a envahi les continents, la dolomite et les roches métamorphosées épaisses de 900 à 1200 mètres se sont constituées. Les formes de vie animale étaient encore rudimentaires. Pourtant les ancêtres les plus simples, et non spéalisés, des animaux modernes sont extrêmement modernes au sens géologique, et appartiennent au même ordre que celui qui prédomine aujourd'hui. Au cours de l'Ordovicien, la mer a submergé toute la moitié du continent américain et l'a réduit à un groupe de grandes îles. Au début de cette période, les eaux de l'Océan ont envahi d'immenses étendues, au centre et à l'est des États-Unis. Un peu plus tard, une immense mer venant de l'Arctique a traversé le centre du Canada et a rejoint les baies du Sud, qui occupait la majeure partie des États-Unis. Pendant ce qu'on appelle le soulèvement taconien, les montagnes se sont élevées, plissées, en fait se sont chevauchées, le tout accompagné d'une activité volcanique. Une pluie de cendres s'est répandue de l'État de New York à l'Alabama, et même loin vers l'ouest jusqu'au Wisconsin, au Minnesota et à l'Iowa. L'épaisseur des lits de cendres varie de quelques centimètres à plus de 2 mètres. Toutefois, le volcanisme s'est davantage manifesté au nord-est, à Québec et à Terre-Neuve où les couches de tuf sont caractéristiques de l'époque. Simultanément, des bancs de cours s'édifiaient dans la partie arctique du Canada, de l'Alaska au Manitoba, comme à Terre-Neuve et au nord du Groenland. On rencontre dans le nord de la Norvège des indices d'une période glaciaire, Tite, et, s'ils sont de la même période, ils n'en restent pas moins problématiques en raison des récifs de corail alors en plein développement sur cette partie du globe. La vie se concentrait dans les eaux, et la mer se peuplait de milliers d'espèces. Pendant la période suivante, celle du Silurien, l'activité volcanique a repris de la vigueur. Au Nouveau-Brunswick et surtout au sud-est du Maine, les couches de cendres et de lave atteignent les fins impressionnantes épaisseurs de 3000 mètres, voire davantage, état à la frontière américaine ou canadienne sur la côte est. Il existe également dans le sud de l'Alaska et dans le nord de la Californie de très imposantes coulées de lave, des brèches volcaniques et du tuf de la même époque. La fin de la période fut marquée par la perturbation calédonienne, où une crête montagneuse s'est élevée au travers des hautes Maes britanniques et de la Scandinavie, sur toute la longueur de la Norvège et de la Suède, c'est-à-dire sur quelques 1800 km, les formations prédévoniennes se sont plissées, retournées et empilées vers l'est sur des plans de failles particuliers. De 30 à 65 km. Et de nouveau, des bancs de cours se sont développés dans les régions arctiques. La période suivante, le Dévonien, a été marquée par les soulèvements et les dépressions de la révolution acadienne. L'accident acadien a été accompagné d'une forte activité volcanique. La grande épaisseur des couches de lave et de tuf atteste que les volcans étaient actifs pendant le Dévonien dans le sud de la province de Québec, la péninsule de Gaspé, le Nouveau-Brunswick et le Maine. Le magma a soulevé les White Mountains et a formé leur base de granit. Les mêmes processus se sont déroulés partout ailleurs, les vieux grès rouges d'Europe sont une formation dévonienne. En Australie, des montagnes se sont élevées et étirées tout le long de la côte est, là, cette période a connu une grande activité volcanique, et on évalue à plus de 9000 mètres, l'épaisseur des couches dévoniennes, et des couches volcaniques associées. Pendant tout le dévonien, l'Amérique du Nord a dû être reliée à l'Europe par un isthme qui s'est affaissé plus tard dans l'Est Atlantique. En effet, on trouve des plantes terrestres, et les animaux d'eau douce conservés dans les roches dévoniennes de ces deux régions, si semblables de chaque côté de l'Atlantique qu'il est clair, qu'ils pouvaient librement être facilement migrés par ce pont terrestre. Pendant le Carbonifère, des montagnes se sont édifiées, l'océan a envahi les terres, les coraux ont construit des récifs sur le littoral arctique de l'Alaska, et les îles polaires du Spitzberg, les volcans sont entrés en éruption, et une glaciation a montré le bout de son nez, en Australie principalement. On constate la présence d'animaux terrestres et une vie marine abondante. Des gisements de charbon se sont formés. Ceux de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick sont épais de quelques centaines de mètres jusqu'à 4,0 mètres. La glaciation continentale s'est étendue à l'Amérique du Sud, à l'Afrique du Sud, à l'Inde et à l'Australie. J'arrête ici les citations empruntées à Historical Geology, Neptune et Vulcain, où les forces élémentaires, qui régissent la fusion des roches et le déchaînement des mers, ont sans cesse pris la Terre pour un terrain de jeu. Cela n'empêche pas la géologie officielle de nous assurer que le calme et l'uniformité y ont toujours régné, et que ce qui nous semble être le fruit de bouleversements brutaux, n'est que le résultat de phénomènes lents et coutumiers, elle irait jusqu'à nier l'origine catastrophique des coulées de lave, dont le jaillissement est incontestablement dû aux spasmes sporadiques de l'écorce terrestre. Certains auteurs nous disent, il n'est pas évident que la ville de Boston repose sur une des plus grandes chaînes montagneuses du monde, et c'est pourtant bien le cas, elle s'est affaissée et a été érodée. D'autres écrivent que Boston était située en zone équatoriale pendant le Carbonifère, et dans une région désertique pendant le Permien. On peut aussi lire que le site de cette ville était autrefois sous la mer, et même autrefois sous plus d'un kilomètre de glace. Et l'on insiste sur le fait que ces changements ont eu lieu sans aucun bouleversement naturel, qu'ils ont simplement été causés par des forces, et des agents toujours actifs aujourd'hui, les plus hautes cimes s'aplatissant, les jungles équatoriales faisant place à de torrides déserts de sable, ces déserts à une très froide calotte de glace, cette calotte au lit des océans, et le lit des océans au campus de l'université d'Harvard. En somme, tout cela s'est passé si lentement, qu'aucun être vivant ne s'en est jamais aperçu. Le charbon se présente généralement en couches, qu'on date principalement d'après les éléments fossiles, et combustibles, qu'elles contiennent. Il existe plusieurs variétés de charbon. Le charbon brun est une masse compacte de restes végétaux. La lignite est surtout faite d'arbres partiellement transformés en charbon. Le charbon mou ou bitumineux, cassant et très brillant, contient du soufre, on peut parfois observer sa nature organique à l'aide d'une simple loupe, et reconnaître les plantes qui sont entrées dans sa composition grâce aux feuilles de la couche de schiste argileux recouvrant le lit de charbon, et qui lui donne un aspect feuilleté. L'anthracite, durée de couleur gris foncé, est un charbon bitumineux qui s'est métamorphosé. Price, de New Geology, page 468-469. NDT, arbre originaire d'Amérique du Nord, voisin du laurier. NDT, plante, arbuste ou arbre dont la graine est dénuée de protection, dit gymnosperme comme les pins et cyprès. Elles ont précédé les plantes à fleurs. Le cica du Japon est un exemple de cicadée, il ressemble à un petit palmier au tronc bombé et court. NDT, l'anthracite est aussi appelé en anglais charbon dur, en français houille, quand celle-ci contient 4 à 11% d'anthracite, et autrefois charbon de pierre. Les plantes qui sont entrées dans la composition des anciennes couches de charbon, sont essentiellement des fougères et des cicadées. Viendront ensuite les sassafras, lauriers, tulipiers, magnolia, cannelliers, séquoia, peupliers, saules, érables, bouleaux, châtaigniers, aunes, hêtres, ormes, palmiers, figuiers, cyprès, chênes, rosiers, pruniers, amandiers, myrtes, acacias et bien d'autres espèces. Bien qu'on parvienne à dater le charbon, son origine est loin d'être expliquée de façon satisfaisante. Selon une théorie, il s'est formé dans les tourbières, lentement, sur des dizaines et des centaines de milliers d'années. Les végétaux y seraient tombés, et auraient été recouverts par l'eau des marécages avant de se décomposer à l'air libre, une couche de sable s'y serait alors déposée, constituant un sol favorable à la croissance de nouvelles plantes, qui à leur tour seraient tombées etc etc etc. Mais pour que ces couches de sable s'y déposent, il faut bien entendu qu'une eau en mouvement ait couvert ces régions marécageuses. Comme on trouve des coquillages et des fossiles marins sur presque toutes les couches supérieures de charbon, la mer a dû envahir ces régions à un moment donné, puis se retirer, sans quoi aucune plante terrestre n'y aurait poussé. En certains endroits, on constate 60, 80, 100 strates consécutives de charbon et même davantage. La théorie en question n'exige donc que le mer ait envahi le pays X ou Y fois, quand celui-ci s'est lentement affaissé, et qu'elle s'en soit retirée autant de fois. En d'autres termes, elle considère que le sol est animé, comme s'il puisait, et que la mer reviendra un jour, ou l'autre recouvrir les couches de charbon, comme elle l'a fait 100 fois dans le passé. Les fossiles de palourdes, d'escargots marins, abondent dans le schiste argileux séparant chaque veine couche de charbon. Par la suite les ossalés se sont retirés, ont cédé la place à un marais de douce, et une nouvelle couche de charbon, s'est formée sur la précédente. Les nombreux lits de charbon alternant avec des lits de sédiments marins nous ont longtemps surpris, ils sont aujourd'hui considérés comme des cycles distincts, chaque cycle représentant une séquence commune d'événements. On compte une centaine de veines dans le pays de Galles, et plus de 40 cycles dans l'Ohio ou Marvin Millay, a évalué la durée moyenne d'un cycle à probablement 400 000 ans. Cette conception exige non seulement que la mer ait recouvert le pays de Galles une centaine de fois, mais aussi qu'après chaque régression, un marais d'eau douce soit apparu sur le terrain libre, permettant la croissance, la chute et la décomposition des arbres. Et encore a-t-il fallu que le processus de décomposition se soit arrêté à temps, sinon la matière végétale aurait totalement disparu sans qu'il en reste sous forme de charbon. Et chaque fois non seulement l'étendue de ces marais était remarquable, mais l'épaisseur du charbon a aussi exigé une étonnante accumulation de matière végétale. Dernier point, la plupart des plantes et des arbres qui ont formé le charbon ne poussent pas dans les marais et, une fois morts, se décomposent rapidement à l'air libre. Ce simple fait suffit à rendre insoutenable la théorie des NDT, animal s'attachant au fond de la mer, et de la même classe que les étoiles de mer. NDT, pour que cet exemple soit plus parlant, nous avons refait tout le calcul en partant d'un mètre de charbon, au lieu d'un pied qui est égal à 0,3048 mètres, et en vous faisant grâce des virgules. Pour être exact, nous aboutissons à 1854 mètres de débris végétaux nécessaires, Velikovski à 6000 pieds, chiffre sûrement arrondi, et qui donne environ 1829 mètres. Tourbière. Les veines de charbon sont parfois épaisses de 15 mètres. Aucune forêt ne pourrait produire un tel hauteur de charbon, en effet, on estime que pour obtenir un mètre de charbon, environ 12 mètres de tourbe seraient nécessaires, mais pour cette épaisseur de tourbe il faudrait 122 mètres de débris végétaux. Dans ce cas, quelle aurait été la hauteur et la densité d'une forêt capable de fournir au moins 1800 mètres de débris végétaux pour créer une couche de charbon épaisse de 15 mètres? Et quand bien même une telle forêt aurait existé, il en aurait fallu 50 à 100 successives pour créer un nombre équivalent de couches. De plus, il est douteux qu'elles aient poussé les unes au-dessus des autres, car une couche de charbon, compacte d'un côté, se divise parfois de l'autre côté en plusieurs stratos intercales du calcaire ou d'autres roches. La quantité gigantesque, le mot est faible, de matière organique nécessaire à l'élaboration du charbon, donna naissance à une autre théorie, ce sont les arbres tombés et charriés par les crues des cours d'eau qui ont formé le charbon, et non pas la végétation in situ. Cette théorie a l'avantage d'expliquer les énormes accumulations de plantes mortes en certains endroits. Elle démontre pourquoi, dans de nombreux cas, les troncs d'arbres fossilisés sont imbriqués dans le charbon, la tête en bas, fait sur lequel la théorie des tourbières ne fournit pas d'éclaircissement. Malheureusement, elle n'explique pas les différentes formes de vie marine mêlées au charbon. Les schistes carbonifères ou bitumineux contiennent souvent beaucoup de poissons de mer fossilisés. Les crinoïdes du fond des mers et les coraux des eaux claires de l'océan alternent avec les couches de charbon. Il n'est pas rare qu'elles contiennent aussi des blocs de pierre erratique. On a supposé qu'ils avaient été apportés par hasard sur des radeaux formés de façon naturelle par des troncs dérivant en rang serré, or cette idée de radeau flottant ne peut se concevoir sans l'intervention d'un ouragan violent. De plus, les coraux ne se développent pas en eau trouble, et les poissons de mer n'auraient pas remonté bien loin les rivières en crue au milieu du bois et des pierres. Le charbon ne s'est donc certainement pas formé selon l'une ou l'autre de ces deux théories, je crois au contraire que des forêts ont brûlé, un ouragan a déraciné les arbres, un ou plusieurs rats de marée ont balayé les troncs calcinés et éclatés, les ont entassés puis couverts de sable, de cailloux, de coquilles, d'algues et de poissons, d'autres rats de marée sont passés, déposant chacun à leur tour des arbres carbonisés. Du sable et des sédiments marins. Le sol surchauffé a métamorphosé tout ce bois en charbon, ou en charbon bitumineux quand le sol était imbibé de bitume. Parfois le feu a épargné des feuilles mouillées, mais elles ont été jetées telles quelles dans l'état de troncs et de sable, et ont laissé leurs empreintes sur le charbon. J'ai trouvé un argument en faveur de ma thèse sur l'origine du charbon dans un volumineux ouvrage récemment publié sous la signature d'Heribert Nilsson, professeur honoraire de botanique à l'université de l'Ain. Il y expose entre autres les résultats d'une enquête sur la composition du charbon BMN, lignite, de Geiseltal en Allemagne, réalisée par Johann Swegelt et des collaborateurs. Les nombreuses plantes qui le composent sont strictement d'origine tropicale. Des algues et des champignons des feuilles préservées dans le charbon vivent encore aujourd'hui sur des plantes à Geba, au Brésil et au Cameroun. En plus de la flore tropicale qui domine à Geiseltal, on y trouve aussi des plantes de presque toutes les régions du monde, ainsi qu'une faune d'insectes d'Afrique, d'Asie orientale et de diverses régions d'Amérique, préservées dans un état de quasi-pureté originelle, Walter et Wegelt. On estime que ce charbon de Geiseltal date du début du tertiaire. Mais c'est également un véritable cimetière de reptiles, d'oiseaux et de mammifères. Il contient des restes de grands singes, de crocodiles et de marsupiaux, ainsi qu'un oiseau indo-australien, un condor d'Amérique, des serpents tropicaux géants, des salamandres de l'Est asiatique, qu'un. Certains d'entre eux habitaient des steppes, d'autres, comme les crocodiles, vivaient dans des marais. Si l'origine et les habitats des plantes et des animaux offrent un tableau très paradoxal, leur état de conservation également. La chlorophylle est restée sur les feuilles prises dans ce charbon brun, Wegelt et Noack. Elles ont dû être rapidement mises à l'abri de l'air et de la lumière ou vite enfouies, ce n'étaient pas des feuilles tombées à l'automne, ni des feuilles transportées par le vent, aussi rapide soit-il. C'est par couche entière qu'on les trouve à Geiseltal, des milliards de feuilles venues de toutes les parties du monde, réduites en lambeaux mais ayant gardé intactes leur nervurée, souvent, leur couleur verte. La situation n'est guère différente pour les animaux. S'ils restent exposés un certain temps dans des conditions naturelles, la structure de leur tissu perd de sa finesse, or ce n'est pas le cas des muscles, et de l'épiderme des animaux de Geiseltal, voit. Les insectes ont conservé leur couleur. D'après Nilsson, même le processus de fossilisation, quand la silice envahit les tissus, s'est déroulé face Blitichnell. Certes les insectes ont gardé leurs membranes et leur couleur, mais il est difficile d'en trouver un entier, la plupart sont déchiquetés, voit. Nilsson est convaincu que ces animaux et ces végétaux ont été apportés là par le déferlement des eaux venant de toutes les parties du globe, mais surtout des côtes équatoriales donnant sur les océans Indien et Pacifique, plus précisément de Madagascar, d'Indonésie, d'Australie et de la côte ouest des Amériques. Quoi qu'il en soit, il est évident que le charbon s'est formé dans des circonstances catastrophiques.